j'ai fait deux concerts en un an, quoi. Tu vois, alors qu'on avait bossé un live, c'est con. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est con quand même. Bref, c'est la vie, tu vois. Je me suis pris deux, trois claques dans la gueule. J'ai refait un projet rap avec Inglorious de l'équipe Type. Pareil, très bon beatmaker, très gros casse-couille, mais très bon beatmaker. Et il a le souci du détail. Il a le souci. Mais j'aime bien les gars comme lui, tu vois. Au moins, il taffe, tu vois, c'est bien. Bref, on a taffé dur. Il m'a permis, tu vois, de me relancer un petit peu et j'ai fait pas mal de scènes dans le sud. Là, par contre, je suis allé du côté de Sète, Montpellier, tout ça. Okay. J'ai raidé un peu le sud, ça payait, puis j'avais des potes qui tenaient des assos là-bas. J'ai fait le sud, j'ai fait aussi la Suisse, parce que je faisais du slam aussi beaucoup là-bas. Avec la Slam, c'est la société lausannoise des amateurs et amatrices de mots. D'ailleurs, gros big up à eux, parce que sans eux, je serais la moitié de l'homme que je suis. Parce que je suis arrivé en Suisse avec des textes, ils m'ont mis direct sur des grosses scènes à Lausanne, tout ça, à me faire confiance et tout. Je suis allé représenter la Suisse à des tournois internationaux de slam. Lourd. Tu vois, donc eux, c'est même pas qu'ils m'ont intégré, c'est qu'ils m'ont dit, vas-y, tes textes, on les a pas lus, t'as une belle énergie, fais. Tu vois, en France, jamais on dira ça, gros. Ouais, ouais. On dira, t'as les papiers, t'as les machins, va remplir ça. Tu sais, le Monopoly, tu vois. Tu crois qu'il y a un souci d'ouverture d'esprit au niveau musical en France? Enfin, moi, je dis, par exemple, plusieurs fois, on m'a dit, ouais. Pourquoi tu restes à Besançon? Nanana, Besançon c'est toujours pareil, personne viendra vous chercher à Besançon. Ça c'est faux ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est totalement faux, parce que par exemple là en ce moment je bosse avec Manuel Vanji, gros big up à Manu, c'est le tonton lui, il me permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs on a tourné un clip avec lui à la Rodia hier, qui va sortir en septembre, allez voir, c'est Wombo, tout ça, c'est là que j'enregistre, c'est là qu'on bosse avec Tudo, tout ça. Ce mec là il est à Besançon. Et il pèse, ça veut dire qu'il bosse. Il bosse en Afrique, il fait des pubs, il fait de la télé, il fait des teasers pour tout ce que tu veux en fait. Le gars bosse le son, quoi. Donc ben, il survit parce qu'il n'a pas le même niveau de vie que nous, tu vois. Bref, et ce gars-là, c'est, pour moi, c'est vraiment un exemple. Okay. Ça veut dire qu'il fait les bails. Mm-mm. Il va chercher les contrats où il y a des contrats. Et en ce moment, c'est beaucoup en Afrique. Il bosse beaucoup en Afrique, c'est pour ça que là, hier, on s'est donné dur pour son clip. Et s'il faut aller bosser en Afrique, gros, j'irai bosser en Afrique depuis Besançon. Hein. Ça veut dire que je mettrai Besançon, nanani, enregistré à Besançon, en collaboration avec nanani de je sais pas où, en okay. fait. C'est pas, aujourd'hui, on est en 2019, t'as calé mon beatmaker, mon gars sûr, là, de Saint-Etienne, on s'est jamais vu. On se voit derrière notre écran, on tripe ensemble, on fait nos trucs, on s'est jamais encore retrouvé dans la même pièce. Okay. Pourtant, c'est un gars sûr. C'est bizarre de dire ça, ouais. Tu vois. On n'a pas encore ressenti les trucs qui se passent en vrai. Non, je te dis, c'est un gars sûr. Il m'a envoyé 300 instrus, le gars, comme ça. Bam, il m'a entendu kicker, on fait des trucs ensemble. En une matinée, on boucle un projet. On se voit pas. Si, si. Vraiment. Tu vois? Bref. Yes? Ok. Jones. RTZ, on pourrait parler de l'ubérisation du rap aussi. je te donne un concept. Parce que là. Ça veut livrer à domicile carrément. Non, mais c'est, quand je dis ubérisation, c'est que ça fait des collabs sans forcément se voir, tu vois. Bah, c'est un concept. Ça se fait de plus en plus. Hein. T'es là, tu parles de gars sûr, alors que. Non, pas gars sûr. Au niveau du son, déjà, c'est un gars sûr. Ça veut dire que quand je lui demande un truc, il le fait, gros. Okay. Tu vois, il est là. Là, je lui envoie un message, je lui dis t'es là, il va pas me répondre. Parce que c'est un gars qui est pas sur son téléphone, malheureusement. Mais je vais recevoir une réponse, là, peut-être dans la nuit. C'est quoi le projet? Je lui envoie, il va commencer. Tu vois, il va commencer sans même trop savoir ce que c'est. Et puis dès qu'il est dispo, il m'envoie un autre message et on bosse, tac, tac, tac, tac. Tu vois? Il m'envoie une version. Je lui dis, ouais, ça, c'est pas mal. Même là, ça manque un peu de reverb, délai, là, la caisse claire, tout ça. J'essaye d'être précis. Plus je suis précis, plus lui, il tape vite. C'est un gars qui comprend ce que je dis. Ça, dans la musique, c'est rare, gros. Le vocabulaire, dans la musique, c'est compliqué. C'est pour ça qu'avec le petit jeune, là, Benoît, là, on essaye de bosser le même vocabulaire. C'est bien. Ok. Voilà. Écoute, tu parlais de gars sûr. Ouais. Moi, je vois qu'il y a le son avec... avec Tudo. Avec Tudo. Aïe. Ça, c'est la meilleure transition que tu pouvais faire. Donc, je pense que celui-là, je peux l'envoyer. Ah, ça, tu peux l'envoyer. Parce que tu vois, là, Jounès, tu parles de gars sûr. Ben là, pour le coup, Tudo, je peux dire que c'est un gars sûr. Ben. Je le connais, j'ai travaillé avec lui, je l'ai côtoyé. Ben voilà. À l'époque. Ouais, non, mais y a pas d'attaque. Il a mis sa carapace. On oublie le Draco flèche, Draco feu. on oublie le bon coin. Carapuce. Non. Carapuce. On va s'en arrêter plus tard. Non, après. Check ça. J'ai rien contre Tudo. Hein. C'est un... Très bien. Mais... Non, mais je comprends. Là, j'étais en mode défensif. Là. Ouais. Carapuflèche. Franchement, tu m'as mis une gauche. Heureusement que j'ai. Non, je finis la semaine. Yes. On est toujours dans la 25e. Vas-y, envoie le son de Tudo. On va envoyer le son de Back to Black. Enregistré à Wambo. Honnête. Et big up à Tudo au passage. Oh, gros big up à Tudo, merci bro. Pourquoi me dire si tu ne le penses pas? Ça me fait mal encore plus quand c'est toi. Mais t'as foi dans le karma ou ma vendetta? Déçu. T'attendais pas à me voir dans cet état. T'en fais pas, certains disent que le temps répare. Plus très bien si tu t'en sépares. J'ai vu les miens émus, les pieds qui dansent tard. Tissant des liens sans amour, équilibrant c'est tard. Vivant dans l'instant, oubliant qu'on s'égare. Ça me rappelle mes vingt ans pétard. Soleil au printemps, apprécié le d'avant les bars. Bao bao dans nos tympans, le paysage mes beaux cartons. Les ch'tards l'osé dans la main de ce pélo catang. Cracher du feu c'est mon créneau maintenant. Parmi les passants, combien sont glaçons? Je retiens pas non si tu viens sans passion. Pas les mêmes non, pas les mêmes fréquentations. T'aimes mal les vêtements comme pour se dire qu'on est des grands garçons. Oublie leur sort net. Mon frère, si tu veux renaître, un seul outil, sois honnête. Si tu veux en être, oublie leur sort net. Mon frère, si tu veux renaître, un seul outil, sois honnête. J'éteins la télé, sinon j'perds confiance en l'espèce humaine. Petit écran noir a créé des putains de spécimens. Des pantins qui se baisent eux-mêmes, agréés par des lobbies, j'barre cette allégorie. Tant que dans ma tête j'entends la mélodie, j'entends la mélodie. Non, je crois plus en la théorie. Cœur devient tout noir si tu te fous de l'honnêteté. Pour moi, y'a quelqu'un qui peut vraiment nous connecter. Tant que j'entends à mes homies. Pourquoi les gens fatigués n'ont pas l'idée d'aller au lit? Pour que leur connerie soit validée, on se racontera des tomis. Et ne me parle pas de fatalité, client s'en fout de la qualité. Tu veux gorer ta carte qui fait, je veux pas faire le gars qui fait la morale, juste à teaser la collade. Un câlin, ça tient autant à l'un qu'à l'autre. On sera bien le jour où chacun assumera sa faute. Si tu veux honnête, oublie leur sort net. Mon frère, si tu veux renaître, un seul outil, sois honnête. Si tu veux en être, oublie leur sort net. Mon frère, si tu veux renaître, un seul outil, sois honnête. Oublie leur sort net. Un seul outil, sois honnête. Oublie leur sort net. Un seul outil sonnette. Big up à Tudo, à Charles aussi qui était là au studio pour m'aider. La 25ème, yes. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. La 25ème, on est toujours là avec Bab to Black jusqu'à minuit. À l'ancienne. Petit morceau un peu funky. Ouais, t'as vu, petit un peu à l'ancienne, hein, mais je te dis, ça, c'est le morceau Tudo, quoi. C'est le morceau Tudo. En train de faire sa danse, là, claque. Ouais, claque, c'est claque. Ça, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est pour lui, pareil, que j'ai choisi celle-là. Hein. Moi, les sons comme ça, j'écoute pas. Hein. Mm-hmm. Mais lui, je le voyais s'enjailler à chaque fois. J'arrivais, il était là, je faisais, tu fais quoi? Il fait, je mange, écoute. Je faisais, mais c'est pourri, ça. Je faisais, mais non, écoute. J'étais en mode, vas-y, j'écoute. Je comprenais pas. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y, on va faire un son avec une prod qui ressemble à ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je lui ai fait confiance. Pour lui, c'est vraiment la musique préférée du projet. Si. Et du coup, ben là, j'avais envie de la passer parce que qu'on écoute au moins son taf, tu sais, parce qu'il mixe, il masterise, il aide et tout ça. Puis c'est son taf, quoi. Donc s'il y a des gens pour qui ça ils ont plu un peu l'arrangement, tout ça, il m'a beaucoup aidé, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. De toute façon, c'est Tudo, Besançon. Il n'y en a pas 50 000. Ouais, gros big up à lui, job. Ouais, le frère, là, il est dans la bonne direction, dans la musique, quoi, en fait. Ouais. Il est dans la musique avec le cœur. Exactement, c'est un passionné. Tu vois, j'avais le choix d'aller enregistrer mon EP à Paris, dans le Sud, en Suisse. C'est à Besançon que je le fais, gros. Yes. Tu vois, avec un passionné. Local. Je suis allé hein, dans les grands studios et tout. Ils font pas le taf de Tudo, gros. Ils ont des machines à... Hein, c'est pas 10 000 hein, les machines. Non, mais c'est 20. Mais lui, il est passionné. C'est parce que tu peux aller dans des studios, mais qui sont pas hip-hop en fait. Enfin, tout dépend de la gestion. Faut le réseau. Après, ce qui est bien avec Tudo, c'est qu'il te prend la tête en fait. En fait, prend la tête, mais dans le bon sens. Ça veut dire que C'est pas le mec, tu vas aller dans un studio lambda, le mec il va pas forcément se prendre la tête, ouais, il va te laisser poser ton texte, il s'en fout. Ouais. Alors que tu vas poser ton texte, il va te dire ouais, mais là frère, je pense que t'aurais pu peut-être plus machin ou plus c'est rebondir ça, là. Ouais, il est avec voilà toi. Quoi, c'est un job quoi, c'est il ça. Job et puis il fait avec le cœur. Ouais, exactement, il est passionné, tu vois. Il est avec toi. Si, si. Ouais. Ok. Ça fait plaisir. Du coup, on va parler du projet. Vas-y, lutter ou chuter, du coup, le CD. Le projet. Yes. Est-il sorti? Est-il bien en sûr. Cours est-il, Ah non, il est sorti le 1er juin. Allez, c'est le moment de faire ta promo, mon gars. Ben, le projet là dont je parlais, que j'ai enregistré avec Studo, à Womboland, à Besançon, d'accord. Il y a 4 beatmakers différents sur le projet, sur 5 musiques. Il y en a 2 avec Isos Beats, c'est un gars de Lyon. Pareil, un petit jeune super chaud. Il y a un blédard aussi, c'est Das Killer, il a un petit blaze, c'est un blédard de toute façon les gars, hein. Franchement je vous dis sa prod, j'ai dû la payer par PayPal, c'était bizarre. Mais franchement big up à lui, tu vois, il a fait le taf, il a eu son billet, il était content. Après il y a Freaky Joe sur l'imposture qui était là, super lourd. Et puis il y a la prod que je t'ai piqué quoi, du yes. coup d'un ricain là, tu vois, okay. du coup je sais plus comment il s'appelle ce mec, désolé, mais il est lourd quoi, il fait des types beats, je sais plus exactement. Mais allez écouter le son de Chao et vous retrouverez la prod. Et bref. Donc voilà, beaucoup de beatmakers, beaucoup de styles différents pour 5 musiques. Je voulais montrer un peu de quoi j'étais capable, on va dire ça comme okay. ça. C'est une petite esquisse. Et puis voilà, quoi. Le projet est écoutable gratuitement sur SoundCloud. Et on sort petit à petit les clips. Là, ils vont arriver jusqu'à fin 2019. On taffe ça avec Bizal, avec Tudo aussi. Enfin bref, voilà, il y a les clips qui vont arriver. Et voilà, et le projet est là. Et je voulais te demander, est-ce que tu as pensé peut-être à faire une version physique? Peut-être CD pour les gens qui voudraient peut-être le. C'est question. Hein. J'en parle pas trop, tu vois, parce que je fais ça en soum-soum. Mais on sait pas. Ils sont on là, les CD. Ils sont là. Ah bah voilà. Ouais, il y a des CD, mais ça reste en soum-soum pour l'instant. Parce ouais, que... mais ça peut être bien parce que tu ouais, sais qu'il y a des gens CD. Qui aiment bien, bien pécho à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. D'avoir le physique dans les mains et c'est très très bien, je pense, d'avoir fait le pas du physique en fait. Il y a 2 types de CD. Il y en a un plutôt simple pour les gens qui sont en mode RSA ou un peu dur en. Qui tient un peu sur la corne comme Jounès en ce moment. Et y a, voilà, ils sont à partir de 10 balles. C'est, je dis pas prix libre parce que ça coûte quand même de l'argent. Et par contre, moi, il y a des potes qui m'ont lâché du 50 balles pour des CD. Eux, je leur ai fait un CD en mode VIP. Il y a 6 images. Il y en a 2 qui ont été faits par des graphistes. Il y a des photos, tout ça. Il y a des textes dedans. Ils sont dédicacés. Non, mais c'est cool. C'est du bon concept. Ouais. Il y a un bon concept derrière. Il ouais. y a du matériel. Il y a voilà, du physique. C'est bien, c'est bien. C'est ouais, bien. Il faut. C'est ouais, il faut. L'objet est là, il est beau, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, il y a des collectionneurs, il y a des mecs, ils aiment bien. Il y en a, c'est bien. Et encore plus, s'ils kiffent les sons que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils sont là, ils ont le truc, ils sont contents de l'avoir. Parce que c'est un truc qu'ils gardent dans le temps. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le modèle de pauvre. Je vous montre juste la petite. La petite aventure, là. Jounès, il a attendu. Jounès direct, t'as entendu ça. Ouais, Jounès, il a entendu le modèle de pauvre. Le CD est pas encore floqué, mais je le floque avec un truc collant, tu vois. Non, mais c'est bien, tu sais, on a tous commencé, je veux te dire, avec des CD de base, frère. Hein. C'est nous, à l'époque, la première fois que je me suis foutu sur un graveur CD, gros, j'avais le CD dans les mains, je croyais que c'était un double album avec pochette, tout ça. Non, mais c'est juste le truc de se faire plaisir. C'est ça, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes. Partager, tu vois, moi, par exemple, gros, il y a ton CD, moi, je te le pêche en physique, par exemple. Ben, parce que je suis pas un mec qui a l'habitude. C'est d'aller chercher sur téléchargement un truc simplement, tu vois ce que ouais, je veux dire ça, je vois. Et je pense que c'est très très bien d'avoir passé le cap du physique ouais, parce que voilà, il y a toujours des gens qui aiment bien la collection. Ben là je suis en train, c'est cool ce que tu dis parce que c'est pour des gars comme toi par exemple que je me suis mis à le faire. Et pareil là en Suisse ils me taquinent pour je fasse un petit recueil aussi de mes textes et je bosse ça avec un graphiste, un texte, une image, texte, une image, on va essayer de bosser ça aussi ouais, bien propre, comme il faut propre, tu vois, parce qu'il a un talent aussi, c'est un mec de Bezac, hein, aussi, hein, le graphiste. Hein. Okay. C'est la fausse patte, il fait des prods et tout, c'est un gars chaud, c'est un gars sûr. Hein, Jeunesse, note tous les gars sûrs que je te dis là. T'inquiète, la fausse patte. Je vais tous les contacter après. Mais tu peux, gros, c'est tous des gars sûrs et ils vont te répondre avec le sourire, ils vont te dire on taffe, t'as combien sur ton compte? On taffe pas. Voilà, c'est tout comme ça. C'est comme ça que ça se passait, c'est dur la vie, gros, aujourd'hui. Bon, t'inquiète, on va s'arranger. On s'arrange après, on s'arrange. Mais ouais, big up à Yannick en tout cas. La fausse patte, sur SoundCloud, Facebook, tout ça, vous pourrez tout trouver. C'est un gars qui taffe dur aussi. Yes. Nice. Donc, lutter ou shooter. Lutter. Bah, ça peut aller si tu parles de tirer sur des gens. Ouais, c'est un autre truc, hein, c'est un autre délire. Hein. Ouais, c'est autre chose. Lutter ou shooter. Shooter, mais dans le sens shooter, se taire. Ouais, c'est un petit jeu de mots. Bah, yes. Bien sûr qu'il y a le premier sens, mais c'est plus shooter, chute. Okay. Tu luttes ou chutes. Yes. Lutte donc, ou chute. Allez écouter ça sur SoundCloud. C'est gratuit. Il n'y a pas de question de pince ou je sais pas quoi. C'est gratuit. C'est gratuit. Même sur YouTube, il y a un clip aussi. Il est gratuit. Il arrive bientôt à 1000 vues là, en une semaine. C'est cool. Yes. Les gens sont un peu au rendez-vous. Je partage pas un ouf. Je laisse. On voit ce que ça donne. Ouais. Pas d'hashtag de merde, de trucs comme ça. Si les gens veulent regarder, regarde. Yes. C'est cool. Exact. Tu m'as parlé là avant que j'arrive. Là, derrière le micro, tu m'as parlé d'une soirée qui se passait... Au Gotham, exact, demain. Au Gotham 25. Merci de me le rappeler, gros, parce que là, dis-toi, quand l'émission, elle est finie, on va débattre avant que l'émission finisse. Il va se passer encore des trucs, il y a le débat avec Rizzo, tout ça. Après, on se check, on se fait des accolades. C'est cool, dans la joie, la bonne humeur. Et après, je retourne taffer dur, parce que demain, je fais un gros live pendant au moins 3 heures minimum. 3 heures ? Ouais, parce que je fais pas que du rap, tu vois. Je suis guitariste à la base. Donc il va y avoir au moins une heure de live acoustique où je pose des textes de rap sur la guitare, un peu en mode Sopico, tu vois. Mais Sopico, il a fait le bail, donc je veux pas faire du Sopico, tu vois, encore une fois. J'écoute ce qu'il fait, c'est lourd, je veux pas faire pareil. Bref, il y aura une heure de mix, une heure Sopico. De live acoustique, une heure de... Ah, tu connais pas Sopico? Ah, je kiffe. Enfin, ça me dit rien comme je ça. Je t'enverrai, gros, mais c'est un gars avec sa grade, gros, si tu connais pas, mec. Parce que je suis toujours chaud... Je suis toujours chaud justement pour les nouveaux, pour les nouvelles vibes, tout ça, tu vois. Donc si lourd, on, lourd. En plus, lourd tu vois, les trucs machin. Moi, je fais de l'harmonica, tu vois. Donc les trucs machin, je kiffe bien, tu vois. Ouais. Mais tu sais quoi, Rizzo? Moi, j'ai des places pour le Gotham 25. Du coup, c'est rue Berceau. Demain, il y a une petite soirée privée. Il vous faut les bracelets pour entrer. Par contre, le 13, ça ouvre officiellement et c'est dangerous. Le concept est vraiment dangereux et c'est pour ça que je vais faire un concert là-bas demain. Et que je me donne dur, je suis encore en train de créer des sons là, sur live, tout ça, je fais un vrai live, une vraie expérience musicale pour demain, il y a 95% des sons que je vais passer demain, que personne n'a entendu en fait, il y a beaucoup de l'exclu quasiment, et sur 3 heures c'est un peu une performance, et c'est pour sa clientèle que j'ai fait ça, tu vois. Mais le bar, le Gotham 25, rien que Gotham, gros. Mmh. Tu me parlais de manga tout à l'heure, Batman. Mmh. Tu sais, c'est un peu. C'est super-héros, tu vois. Tu sais, il est là, quoi. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un bar qui ouvre rue Berceau. Ouais, le 13 officiellement. Et on voilà. Comment pour venir demain? Pour venir demain, je vais vous filer des bracelets qui sont dans mon sac. Ok. Voilà, regarde, je vais les sortir, regarde. Ah. Tu peux pas, toi, t'as couvre-feu, toi, rentre. Hache ta gueule. T'as l'ego technique, toi. Allez, regarde ces beaux bracelets là, s'ils sont pas beaux. Par contre, si je compte les gens qui sont autour de moi, j'en aurais pas assez pour tout le monde. Va falloir vous battre. On va se faire ça en un contre un. Ah, l'ancienne, gros. Par contre, Jounès, il est pas content là. Sur le canapé derrière. Rizzo est content, mais il a des points faibles, Rizzo. Le genou. Ouais, ils peuvent y aller. C'est bon, il est renforcé. Il y a deux nions. Il y a deux nions qui tombent avant que ça touche. Ok. Parce que moi, le genou, j'y pense, hein, gros, à ton genou. Des fois, tu peux y aller. Je t'ai fait des prières, hein, des fois. Non, ça va, frère. T'inquiète pas. C'est vrai, gros. T'inquiète pas. Ouais, moi, c'est gentil, frère. Mais t'inquiète. Si, le genou va bien, entendez bien. Bah, si le genou va bien, on est bon, gros. Puis s'il y en a un qui touche au genou de Rizzo, on parle après. Moi, mes genoux vont bien. Vous voulez des places, les gars? Ils sont là, hein. Tu sais, regarde. Bam. Moi, je pourrais vous en trouver. Gore, si t'en veux une, si t'es pas là, tante, tu vas rater un truc lourd, c'est pas grave pour toi. Hein. Fais passer jusqu'à ça. Ça commence à 19h, du coup, pour les gens qui nous écoutent. 19h, mais bon, comme je vous ai dit, le 12, du coup, demain, c'est une soirée privée, donc il vous faut les bracelets, forcément. Mais du coup, pour vous, les gars, demain, ça commence à 19h, jusqu'à 2h du mat. Moi, je vais commencer le son à 20h, à peu près. Si je tiens jusqu'à 1h du mat, c'est beau. Voilà. Okay. Ça va être en fonction de l'énergie et tout, tu vois. Yes. Mm-hmm. Okay. Donc le Gotham 25, Rue Berceau. Ouais, c'était le cochon qui rit avant, ça fait l'angle, tu sais, avec la rue qui va jusqu'à Slybox. De toute façon, vous allez rue Berceau, au milieu de la rue Berceau. Je vois. Puis ils ont un mobilier tout en bois, tu sais, vernis, des souches, des trucs, c'est trop beau, gros. C'est un lounge bar, tu vois, ils ont fait le taf. Big up à Ben, le patron de ce bar-là, et à toute son équipe qui taffe dur. Je les ai vus tous les jours taffer, et au bout de 5 jours que je les ai vus cravacher, je me suis arrêté, j'ai fait... Vous faites quoi? Enfin, comment ça se fait que vous taffez dur comme ça? Il m'a dit, on ouvre un lunch bar. J'ai fait, c'est quoi? T'as de la musique pour ton ouverture? Il m'a dit, non. Je fais, vas-y, je fais ta musique, gros. On n'a pas parlé d'argent, rien, gros. Et tu vois, de fil en aiguille, je lui fais aussi des cookies. Je prépare, mon petit frère, il prépare 160 cookies, du coup, pour aller avec les cocktails, parce que mon petit frère, c'est un cuistot, il gère son truc. Pour lui, faire des cookies, c'est easy, mais il fait des très bons cookies. Il va à Biocop, il fait des trucs, t'as des petits raisins, des petites. T'as plein de céréales, gros, tu manges un cookie, t'as plus faim, tu vois. Ouais. T'as soif, mais t'as plus faim, tu vois. Voilà. Et bref, voilà, on s'arrange, on fait des trucs, tu vois. S'il y a des trucs à faire, on les fait, et c'est cool. Merci, Ben. Yes. Cool. On est toujours dans la 25e. Il est exactement 23h19 sur 101.8 Radio Sud.net. Avant de terminer, je te propose de balancer directement deux sons en live. Donc il y a le. Vas-y, on enchaîne. De toute façon, c'est Freaky Joe. Izanami. Izanami, ouais, c'est pour toi celle-là en plus. Je l'ai écrit exprès pour toi là, celle-là Lourd. Aussi, gros. Je l'ai fini tout à l'heure en arrivant. Hein. Ah, je vais donc la fin, gros. Et je balance direct, je lâche tout. Vas-y, c'est pareil, okay. C'est Freaky Joe, c'est Jerem, pareil, toujours le beatmaker, le gars sûr. Yes. Vas-y, on envoie les deux d'un coup. On envoie tout. Vas-y. Normalement, on fait le freestyle de fin. Je t'avoue que là, il est déjà 23h20 et comme il y a Rizzo après... Si tu veux, on en enlève une pour laisser de la place au freestyle. Non, non, si non, vous non, voulez. Non, fais ta promo, frère, tu vois, t'inquiète, il n'y a pas de galère. Fais ta promo jusqu'au bout. C'est cool. T'inquiète, il n'y a pas de galère là-dessus. Tu mets tranquillement. C'est cool, merci Rizzo en tout cas. Et je fais les deux d'un coup. Donc, c'est deux styles un peu différents. Je lâche tout. Vas-y. C'est parti ou quoi ? C'est parti, gros. Allez, c'est parti, on envoie. Hey. Hey. Wouh. C'est Bab to Black au mic. La 25e, tous les jeudis, Besançon, 101.8, Radio Sud. Hey. J'en ai ma claque de me justifier devant ma claque qui veut le skiffer. Satisfait de voir le temps qu'il fait, pas vas-y fais-le. Va vite t'en piffrer, achète ton biffet. Ferme-la, j'espère de tout mon cœur que la banque est fière de moi. Toutou, ces fils de pute, des bons toutous exigent que je bute cette belle planète. Que paye la dette, devienne ta pète. Non mais arrête, ça, t'es pas net. Ça, soit, t'es plus le même quand on saigne dans cocaïne. Ça, soit, je te conseille de trouver ta problème, pas ça. Si je perçois, trop de flemme, basta. L'ami tu me déçois, l'attitude je mets ça pas très loin de là, l'attitude des sages. T'as pas de respect capitule, si je dois me répéter j'extrais clavicule précis. Je compte pas les frais, j'articule, de la peine à croire qu'un faux messie te manipule. Laissez-moi quitter des yeux ces images que tous regardent, sans m'agripper au dos tout à ceux dans le virage où tous se battent. Relax, il faut que je trace ma route extraterrestre. Il faut que je casse la croûte, je veux pas terrestre. Non, ma part sera céleste. Je veux pas terrestre, non, ma part sera céleste. Ouais, je veux pas terrestre, non, ma part sera céleste. Ouh. J'aime bien cette prod, hein. Elle était pour toi, gros. Ah, le truc est lourd. Elle était pour toi, gros. Si tu la kiffes pas, c'est que j'ai pas fait le job. Hey, hey. L'émission la 25e. Hey, jusque là, j'étais perdant à croire que l'autre a plus que moi. Accuse-toi, car c'est toi le pouf-tif, j'espilade motif. J'entends bonjour, est-ce qu'il a le motif qu'on appelle le témoin? Même lui me dit que t'es moyen, tu vis au-dessus tes moyens. On en veut plus témoin, contact si t'es malin. Compact, on fait malin, silicone pour gonfler catin. J'vise le top 1, le fond tape un sacre. Mais pour vous, j'ai pas de chagrin. C'est pour ceux qui se battent, qui pensent qu'à ça. Trouver des solutions dans cet immense bazar. C'est pour ceux qui se battent, qui pensent qu'à ça. Trouver des solutions dans cet immense bazar. Si je sois trop de flemme. Mi, tu me déçois, l'attitude, je mets ça pas très loin de là, l'attitude des sages. T'as pas de respect, capitule. Si je dois me répéter, j'extrais clavicule précis. Nanana, j'articule, de la peine à croire qu'un faux messie te manipule. Laissez-moi quitter des yeux ces images que tous regardent, sans m'agripper au tout ou à ceux dans le virage où tous se battent. Relax, il faut que je trace ma route extraterrestre. Il faut que je casse la croûte, je veux pas terrestre. Non, ma part sera céleste, ouais. Je veux pas terrestre, non, ma part sera céleste. Ciao, je veux pas terrestre, non, ma part sera céleste. Hey, hey. Là, tu vois, gros. Là, je lâche tout, gros. Je lâche tout. Oh, eh. Eh, eh. Pull-up-moi ça, gros. Pull-up-moi ça. Pull-up-moi ça, rien que pour le GM, gros. Aïe, gros. Aïe, je suis obligé, gros. Parce que là, gros, GM, il a fait tellement de taf sur celle-là. Yo, c'est la 25e, Bab to Black, écoute ça. Hey. Beaucoup trop tôt pour abandonner. Je veux d'un monde où le cul jette pour abandonner. Où l'homme sent bien pour abandonner. Ouais, je faisais du son mot avant de voler. Venez, venez, approchez. Tu veux un 10 mais j'ai accroché. Il a dû la droite, il veut accrocher. Fier de ton tas de coke, j'ai des tas de projets. Pas le temps de mater du porno, je la laisse faire. Pendant la promo, j'ai mal à ce frère, là m'espère. Moi dans ma tête, je taffe le mix de la caisse claire. Reste en chic, envoie le dessert. Pas de fit, non, ça me dessert. Pas de fine bocu, je préfère. J'la vie profonde, t'inquiète, je vais faire. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche bouge, lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche bouge, lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche bouge, lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche bouge, lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Wow. Hey. Partout hey. Black dans la 25ème. Lâche hey. Tout. Écoute ça, écoute ça. Hey. Je compte pas moisir comme tes rêves. J'ai pas de loisir dans tes lèvres, dans tes lèvres. Je vais te montrer comment Adam a dompté Ève. T'imagines pas ce que voit mon élève. Je me donne qu'au paradis mon élève. Mon paradis sont les baisses, mon temps de paralyse qu'on est faible. Laisse la liste, on est serre. Je compte pas moisir comme tes rêves. J'ai pas de loisir dans tes lèvres. Je vais te montrer comment Adam a dompté Ève. T'imagines pas ce que voit mon élève. Je me donne qu'au paradis mon élève. Mon paradis sont les baisses, mon temps de paralyse qu'on est faible. Laisse la liste, on est serre. Des spécialistes, on est serre. Si on est artiste, on le sait. Nous les gros ports, on les scènes. Nous les gros ports, on les scènes. Je m'arrête pas dès que sont plus forts. Boum, on les scènes obscènes. Quand je compte oseille, trop de scènes, jamais j'enchaîne. Même si pété la fait sans gêne. Skizuka, il avait sans gêne. Homme scène, quand je compte oseille, trop de scènes, jamais j'enchaîne. Même si pété la fait sans gêne. Skizuka, il avait sans gêne. Hey, tous ces décides à la Eliem. Je te fais ta fête à l'américaine. Toute la famille, même ta mère, week-end. Et dans la grâce, lui, mais la méniquera. Taper du pied, on a pensé nos chaînes. Leur pensée nous gêne. Cœur dans le passé vous gêne. Allez, allez, venez, venez, approchez. Tu veux l'indice, mais j'ai raccroché. Il a dû la droite, il verra le crochet. Faire de ton tas de coke, moi, j'ai mes tas de projets. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche tout, je lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche tout, je lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche tout, je lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Sous lâche tout, je lâche tout. Ouf, lâche tout, je lâche tout. Elle kiffe quand je lâche tout. Moi, je kiffe quand je lâche tout. Chaud. La 25ème, tu nous balances un petit jingle, Jojo, quoi. C'était mystique, hein, l'ordi a planté, l'ordi a bugué. Aïe, aïe, aïe, ben c'est cool, c'est cool. Si on commence à faire planter, si on commence à faire planter les PC, c'est qu'on est bon. C'est mystique. C'était le live de Bab to Black dans les studios. Qu'est-ce que t'as à dire, Jounès? Qu'est-ce que t'as à dire, Jounès? La 25ème, parfait. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Merci en tout cas pour ce live. Merci pour l'invite, les gars. Yes. J'ai bégayé une fois, du coup, sur la tienne. Oh, désolé, gros. Il n'y a pas de bégayement, c'est du coup. C'est la vie, c'est comme ça, gros. Après, je te dis... Voilà, si pour vous j'ai fait le taf, pour moi j'ai fait le taf. C'est comme ça que ça se passe quoi maintenant. Très propre salle, comme on dit souvent. Ah ouais. Très propre salle. C'est cool. Un peu asiate là. Ouais, elle tue, je t'ai dit, gros, elle a été sélectionnée pour Chao. C'est bien parce que tes prods, je remarque, elles sont vraiment. Elles partent vraiment dans tous les sens en fait. C'est ça qui est cool si tu veux, tu vois. Tu vas avoir du funk là, tu vas avoir de la trap d'une manière là, tu vas avoir boom trap d'un côté, tu vois. Et franchement, c'est. T'as un univers super. Large et toujours complet. Je le découvre. Il n'y a pas de petit texte, il n'y a pas de petite prod, il n'y a pas de petit concept. C'est cool, je te remercie en tout cas Rizzo pour l'analyse. Parce que je respecte ton travail beaucoup, gros, donc ça me touche d'autant merci plus. Merci mon sauce, mais ouais, merci. Franchement, non, job, bon job, propre salle. Merci beaucoup. Donc pour tous ceux qui veulent retrouver Bab to Black sur Instagram, c'est bap.t2o.black. Sur Instagram, je ne vais pas tromper. C'est ça. Bab to Black sur SoundCloud. Bab to Black Facebook, sur YouTube, Bab to Black sur Facebook. Voilà, tous les réseaux, j'ai juste pas Twitter, Snapchat, tout ça. J'ai essayé. Déjà, j'ai un téléphone, gros. Moi, j'ai pas eu de téléphone pendant des années, tu vois. Déjà, j'ai un téléphone. Donc voilà, je partage comme je peux. Puis ça arrive, quoi. Plus je serai soutenu, plus on pourra aller vite, forcément, tu vois. Donc on verra. S'il y a des gens qui sont là, ça ira plus vite. S'il n'y a personne, je continue solo, gros, tu vois. Yes. Je suis plus tout seul aujourd'hui, donc on continuera avec l'équipe. Si. Voilà. Si. Jounès, est-ce que tu as le mot de la fin avant de laisser l'antenne à Rizzo. Ne pars pas, on va faire les photos. Hein. Ouais, ouais, bah, non, je ne vais pas partir. Moi, je vais écouter les réseaux. Bon, bien sûr, j'écoute les réseaux. C'était le mot de la fin de Jeunesse, c'était le nia. C'était fin. C'est ça, bah, je crois qu'il a planté comme le PC. Hein, je vais pas dire. Plus, plus, plus. Mon micro, il est allumé là. Non, ouais, ouais, si, il est allumé là. Ok, d'accord, il nous a fait ça toute la semaine dernière. Bon, je tire. Non, non, non, réel. Non, bon, j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Yes. Mais lourd. Merci. Lourd musicalement. Et puis même dans ce que tu racontes, c'est pas mal, donc lourd, voilà, c'est pas souvent. Non, c'est très rare même, ben, je crois que j'ai jamais entendu franchement, ça. Franchement, Jonas, c'est la première fois que je viens là, mais tu me donnes envie de revenir, gros. Vraiment, tu vois. C'était pas parti sur de bonnes bases, t'as commencé à partir sur du business à l'africaine et tout. Puis là, tu me fais plaisir, gros, vraiment. Tu allez, reviendras, ta fin de check. Je serai en forme, je vais bien dormir la nuit d'avant. Yes. On va peut-être pas être copains. Et ben avec plaisir, ben, c'est les meilleurs échanges, ce qui se passe comme ça dans le contact et tout, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est lourd. Merci. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, ne quittez pas, je balance une petite prod, je pense que celle-là vous la connaissez. En attendant, on va faire les photos et après on va laisser Rizzo déballer. Foutre la merde comme d'habitude. Son débat. À tous les gens qui adorent que je foute la merde. Yes. Et même ceux qui n'aiment pas, écoutez quoi. Comme ça, après, vous pourrez critiquer. Big up à tous les auditeurs de la 25e qui sont toujours de plus en plus nombreux. Merci à tous dans toute la France de nous suivre. Gros big up à vous. Yes, gros big up. entrons dans la dernière demi-heure. On laisse cette dernière demi-heure au tonton Rizzo qui va nous envoyer un débat. Je n'ai pas de jingle puisque Jounes est en train de rouler au milieu de la roue d'arène. Un débat houleux. Un débat houleux. Rizzo, je te laisse l'antenne ou quoi ? Et la 25e, bonsoir, c'est la petite chronique de Jojo. Comment vous allez ? J'espère que tout le monde va bien. Merci, comme je disais tout à l'heure, à tous les auditeurs qui nous écoutent toujours plus chaque semaine. Je sais que vous êtes là derrière dans toute la France. Dédicace à tous les poteaux d'un peu partout qui écoutent, que ça soit Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Brest. Je sais que jusqu'à Brest, il y a du monde. Je vous fais un gros big up à tous, toutes les régions de France, tous les gens qui sont derrière. Donc ce soir, dans la petite chronique de Jojo, comme d'habitude, on va faire un petit débat. Ce soir, ça sera de nouveau débat. Et nous allons parler de que pensez-vous des sites de promo hip-hop en ce moment. Donc sites de promo hip-hop, parce qu'en fait, le truc, c'est que la plupart sont devenus payants. Et le débat sera ce soir à se poser la question. Est-ce que oui, les prix de le paiement est justifié, est-ce qu'il n'est pas justifié ? Est-ce qu'il devrait laisser la chance à des artistes talentueux de peut-être se faire une petite place ? Voilà, donc ça sera la discussion de ce soir. C'est un scandale. Ok, argumente ça. C'est un scandale, déjà moi je voilà. Jounes, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Oui et non. D'un côté, ceux qui font les sites, c'est des mecs comme nous, c'est des bougs, vas-y, c'est des mecs comme nous, ils ont R. Et ils veulent s'en sortir aussi, tu vois. Parce qu'il y a un taf derrière, tu vois. Tu payes le site, tu payes l'entretien. Tu dois payer les mecs qui font les articles, blablabla, bla, bla, ceux qui vont chercher les infos. Tu sais, c'est du taf, hein, l'air de rien. Ah ouais, donc, je sais, j'ai des bougs qu'on décide. Après, voilà, tu sais, si c'est des bougs, s'il y en a qui ont du bif déjà, puis qui font ça juste comme ça, bah vas-y. Mais la plupart, c'est des mecs, c'est des entrepreneurs, tu vois. Ils veulent un retour sur investissement quand même. Mais tu crois pas que des fois il y a des gars qui surventent leur site ? Ça veut dire il y a des mains qui vont te... Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un mec qui fait du rap depuis une semaine, il te fait que des rimes et il va vouloir faire un feat avec je sais pas, avec Nas ou je sais pas. Est-ce que tu penses pas que des fois c'est un peu dommage de voir... Après il y a des sites qui sont professionnels, c'est leur job et puis bon c'est vraiment des sites où si tu passes dessus ils vont te mettre en avant. Donc c'est normal de voir ça comme un investissement dans le rap. Mais sur tous les sites qu'il y a, tu penses pas qu'il y a des sites un peu qui surenchérissent un petit peu leur... Bah moi je connais, enfin je sais pas, je connais pas de sites qui font payer en fait. Peut-être Bouscapé, si, ils font payer les encarts. Ouais mais après Bouscapé ça fait longtemps qu'ils sont là encore, tu vois, ça fait longtemps qu'ils sont là. Au début ils ont fait, je me rappelle qu'ils faisaient croquer quand même des mecs, à un moment donné si t'étais bon, tu vois, Bouscapé machin, tu vois. Mais il y a... Ouais, après t'as les jazz comme OKLM, tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément payant ça. T'as après, des sites de trucs où quand même il y en a, ils font croquer. Il y en a, tu vois, je veux dire, il y en a par exemple, ils vont tomber sur un bon artiste, ils vont le faire croquer, ça veut dire qu'il va avoir une exposition sans avoir obligatoirement lâché un billet, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde ne lâche pas des billets, hein, parce que regarde, Chao, toi, MKS, là, vous avez été à 2-3 reprises sur Bouscapé. Ouais. Il n'y a pas eu de billets lâché. Non, lâché. Après nous, il y avait des histoires que Bouscapé, historiquement, ça vient du CNL, tu vois. Ouais. Fif, il est du CNL, il connaît bien Schneu. Voilà. Puis ça, encore, Bouscapé, c'est comme je te disais, tu vois, c'est encore. Le book, ça fait longtemps qu'il est là. Au départ, je m'en rappelle, Bouscapé, il faisait quand même beaucoup croquer des mecs comme ça, tu vois, dès qu'il voyait un peu de talent, tout ça. Tu vois. Après, je pense qu'il y a d'autres sites, tu vois. Il y a quoi comme site là payant là aujourd'hui? Ouais, bah bon, après tu prends les Bouscapé, tu prends les OKLM, mais OKLM c'est pareil, il y a des fois où sur la radio ils peuvent quand même placer des... Ils ont leur petite cellule de découverte, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, voilà, par exemple en fait, tu vois, il y a des mecs, ils ont leur petite cellule découverte. Tu vois, ça veut dire que bon, t'as une grille tarifée pour passer, ça c'est normal. Quand t'as une entreprise qui tient la route et qui truc, ça c'est normal, tu vois. Mais... ouais, moi je pense que ça serait bien de laisser quand même une petite que tous ils laissent une petite cellule découverte, tu vois, que peu importe le site, tout ça, il y a une petite cellule découverte. Et ouais, moi je pense qu'il y a des sites aussi qui se surenchérissent, frère, tu vois, il y a des sites comme Rap No Stress, gros, ça tient pas la route, tu vois. Je cite et il y a pas de problème, hein, c'est moi, je cite, je dis les trucs, même ils peuvent écouter, je m'en bats les couilles. frère, ils ont pas suivi des trucs, y a des trucs qu'ils ont pas suivi. Je peux pas les afficher maintenant. S'ils se l'ouvrent, je les afficherai la prochaine fois. Mais voilà, c'est des trucs, ça tient pas la route, frère, tu vois. Donc, demandez un tarot. Oui, frère, quand on cite, frère, c'est du Time New Roman pour faire le logo, ouais. Détends-toi, j'ai envie de te dire, tu vois. Et sur la copie de sites comme ça, frère, t'as de plus en plus de sites qui se montent en l'air. Tu sais, je te dis, ça revient un petit peu au mec qui s'est mis à rapper depuis une semaine, qui te fait que des rimes et tout péter, puis qui va prétendre à vouloir poser avec Nas ou Jay-Z. Tu vois, ça revient à peu près au même, en fait, tu vois. Mais si ce site-là, il se met à monnayer ses encarts, en fait, c'est qu'il a beaucoup de visibilité, en fait. C'est comme, en gros, moi je compare ça aux influenceurs, tu vois, qui te font payer pour qu'ils parlent de ta marque, tu vois. S'ils te font payer, ça veut dire qu'ils ont une communauté, entre guillemets, tu vois. Donc, bah, pas de ouf en plus, tu vois. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Moi, en tant que rappeur, quel est mon intérêt ? Je sais pas, mais moi, je me pose la question, frère. C'est pour ça que j'ai fait le débat, j'ai ouvert le débat sur les... Donc, frère... Le frérot qui revient, donc comme je disais, c'est... Ouais, si tu peux me restituer, s'il te plaît. En fait, c'est la question, c'est les sites de promo internet aujourd'hui, tu vois, qui font la promotion de la musique. Ouais. Est-ce que tu penses que... Tu penses à quel site ? Tu mets Facebook, tu mets Instagram dans tout ça, ou des sites genre... Je mets vraiment les sites les Bouscapés, les OKLM, trucs. Donc, et encore, comme je disais, comme j'expliquais tout de suite au frère, les Bouscapés, OKLM... Bouscapé encore, c'est Fif, c'est un mec qui faisait qu'écrou à la base quand il s'est fait. C'est ça, tu vois. Quand il est monté, il s'est fait truc. Qu'il monnaie aujourd'hui son truc, c'est normal. C'est pas encore les sites trop à conflit ou débat, ça. Parce que le mec, il fait son bise, il a fait croquer avant. Mais je disais que je pense qu'il y a des sites qui n'ont pas forcément. Leur légitimité. Après, je vais pas pointer du doigt tout le monde, tu vois, c'est pas ça. Mais on va dire, dans un général, je pense que, ouais, il y a des sites qui monnaie quelque chose, mais que le service rendu n'est pas à la hauteur du monnaiement. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux te dire. Mais si c'est une entreprise, gros. Moi, je te le dis en mode business, tu vois. Ça se trouve, il y a 10 personnes qui bossent là, il y a 10 salaires, tu vois. Et c'est 10 familles qui mangent avec ça. Donc, ouais, peut-être, ouais, je dis pas le contraire. Mais alors derrière, par exemple, c'est comme quand tu commandes chez certains, là. Quand tu commandes chez certaines personnes, t'as commandé des Jordan, puis t'as des Jordan qui vont arriver, frère. C'est ce genre de site-là aussi, tu vois ce que je veux dire. Parce que, c'est exactement en tant pareil. Si tu payes pour être dans un site, le service, il est livré. T'es dans le site. Oui, mais gros, derrière, regarde. Ouais, mais comment ? Mais c'est toi qui es con d'avoir payé. Oui, ah, ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça, si, à ce compte-là, autant mettre du bif dans OKLM ou Bouscapé, tu vois, pour être sur du truc. T'en penses quoi, toi, frère ? Mais gros, moi, j'en pense que dans les magasins, gros, on vend des bananes déballées sous vide. C'est pareil, gros, tu vois. Aujourd'hui, même des fruits, on enlève la peau, on les met dans du plastique, gros, on le vend. Et ça se bibi. Et ça se vend. Donc tout peut se vendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? 2019, gros, si le rap, ça vend, on crée un site, on fait croire aux jeunes qui veulent tous être célèbres, qu'en mettant de la thune, eh ben, ils deviendront célèbres. C'est ça qu'on vend. Et je suis d'accord avec toi. Tu vois, ouais, ça vend durer. Enfin, pas pour tous. Pas pour tous. Parce que, comme je dis, il y a un débat justement sur le truc. Parce que t'as des sites. Je reprends Bouscapé. Parce que je connais un petit peu. Oui, puis il a tu vois, mais le Bougavant, Fif, il est arrivé au départ. Il faisait croquer des groupes. Il a fait croquer énormément de groupes avant de monétiser. Parce qu'il a monté. Tu vois ce que je veux dire. Et ben, pour prendre par exemple Bouscapé, Fif, il a fait croquer des gens pour aujourd'hui avoir le statut qu'il a. Tu vois ce que je veux te dire. C'est plus tellement pareil parce qu'en fait, Fif, où il c'était gratuit, c'était parce que lui, il se servait aussi des autres rappeurs qui mettaient sur son site pour faire monter sa cote. Mais après, moi, par exemple, je trouve que c'est un échange de bons procédés. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais... Le mec, il a un site et il se dit, bon, moi, j'ai une exposition. Maintenant, c'est sûr, c'est comme un beatmaker, un MC. Tu vois, un MC sans un beatmaker, c'est rien. Mais un beatmaker tout seul, il n'y a aucun beatmaker qui a percé avec des beat tapes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce genre d'échange de bons procédés. Moi, par exemple, je préfère un mec comme Fif, qui au départ a fait croquer des gens. Puis aujourd'hui, bah, c'est normal, frère. Il a pris son buzz parce qu'il a pris ces rappeurs-là qu'il a mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il fait croquer des gens. Jeunesse. Il a pris leur force. Tu vois. Je peux... Il s'est servi d'eux. Non, mais je dis servi. Je pense que c'est un échange, moi. C'est pas une prise de force, c'est un échange de fluide, moi, je dirais. Tu vois. Yes. Si je peux faire le médiateur, les gars, parce qu'en fait, vous êtes d'accord, mais il y a juste un truc, c'est que. Là, quand il a commencé, Fif, au début, il fallait bien qu'il se lance. Ouais. Donc, il fallait bien qu'il mette en avant des gens. C'est ça. échange de bons procédés. À partir du moment où le gars il commence à avoir des viewers, des machins, des trucs, et qu'il peut garantir aux gens que s'il les met en avant, ils auront telle retombée, billet. Tu vois, c'est plus pareil, tu vois. Ça veut dire que même un gars au début, avec qui il est en partenariat, ben s'il veut, 2 ans plus tard, il peut lui dire, gros, c'est plus comme avant, tu vois. Il peut lui dire, gros, maintenant c'est un billet. Et c'est normal. Voilà, c'est normal. Après, si le gars, hein, il est en mode, ouais, t'as changé, oui. Oui, ben les lois ont changé, j'ai plus la même cote qu'avant, il y a des gens qui vont te regarder, tout ça, c'est normal. Hein, mais tu vois, c'est pas pour faire des comparaisons entre moins bien mes trucs, mais au moins, Bouscapé, c'est professionnel. Tu sais, t'arrives sur la page, c'est professionnel. OKLM, c'est professionnel. Aujourd'hui, frère, il y a des sites charlatans, tu vas arriver sur la page, sur la page, c'est des trucs faits au Times New Roman, frère. Le mec, il a juste mis en bleu. Tu vois, et même la diffusion, ça, par exemple, il va te prendre toi, tu vas lui envoyer un clip de qualité, mais le mec, par exemple, il aura pas fait le truc pour le mettre, par exemple, en stéréo ou en truc, et par exemple, ton clip, t'auras le clip, mais le son, tu vas rien entendre. Et payer pour ça, bah, je trouve ça dommage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, si Younes, comme il dit, s'il y a des gens qui payent pour ça, mais je suis d'accord avec toi. Le book, s'il reçoit de l'argent pour faire ça, bah, il va continuer. C'est normal, comme certains qui rappent qui se font payer en faisant du caca puis qui continuent. Mais c'est normal, parce qu'il y a du bif là-dessus. Mais est-ce vraiment... et est-ce que ces gens-là, moi, ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ces gens-là, à un moment donné, ils peuvent pas penser à faire une cellule? Parce qu'en fait, le problème là-dedans, c'est qu'avec les gens qui payent les sites pour être en avant, t'as plus besoin de talent, en fait. Tu sais, tu t'en bats les couilles. Là, tu sais, tu peux rapper, tu peux faire de la merde, t'as du bif. Ça, c'est vrai. Là, c'est le game d'aujourd'hui, t'as pas. Ça, c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est dommage, gros. C'est dommage. Pour avoir un petit peu de qualité dans les trucs, est-ce que ces gens-là, et s'ils écoutent, est-ce que ces gens-là, bon, à part certains sites, Rap No Stress, on s'en fout de ce que vous faites, on fera jamais tout, vous faites de la merde. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sites un petit peu plus carrés, sérieux, qui pourraient se dire, ben nous, on va faire un carré. Talent, tu vois, OKLM font ça. Il y a le règlement, il y a des chaînes YouTube qui se lancent un peu comme ça. OKLM font ça, par exemple, on fait de pub à personne. Mais je veux dire, bon, OKLM font ça, par exemple. Il y a même Poignet Punchline, tout ça. Il y a des paroles. Après, des paroles, c'est différent parce que bon, ça reste toujours un freestyle. Mais gros big up à lui d'ailleurs. Ben gros big up à tous mes refs de Belgique qui sont en Belgique. Pensée à vous. Mais c'est vrai que voilà, tu vois, la Poignet de Punchline, bon, tu fais un job, tu construis le truc. Tes parents, ils te mettent en avant quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas plus de sites qui peuvent s'organiser à faire des espaces, on va dire, talents? Parce que... Je vais te poser une question. Ouais, dis-moi. Là, j'étais sur Rap Non Stress. Est-ce que les sites comme ça, hip-hop, c'est pas dépassé en fait? Il y a d'autres médias que ça. Instagram, c'est plus fort que ce genre de site. Bah, c'est ça que je te dis. Donc, pourquoi une monétisation? Les gens ne vont plus sur... Mais la monétisation, c'est l'artiste qui est con de mettre de l'argent là-dessus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les façons de consommer ont changé. Moi, avant, j'étais un buté. Tous les jours, j'étais sur le site de Génération Ibouscapé. Tous les jours. Et là, je pense que la façon de consommer et de découvrir, elle a changé, tu vois. Ouais. Ouais. Je peux en placer une petite. Vas-y, mon ref. Vas-y, c'est cool. Juste, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'aujourd'hui, la meilleure façon de se faire de la com, c'est les feats, quoi. Tu vois, si moi un jour, gros, j'ai vraiment envie de ses pairs, tu vois, et c'est pas de moi cette phrase-là, elle est de Well J, j'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir cité parce que c'est un grand monsieur, tu vois qui c'est. Well J Dijon. Well Jackson. Ouais, mais il est de Dijon là-bas, c'est un frérot, si, big up à lui. Et tu vois, ça c'est une petite discussion qu'on a eu ensemble, et il m'a fait cogiter ce gars-là parce que c'est vrai. Si un jour, là, t'as envie de percer, tu prends de l'argent, tu prends au moins 50 000, et tu vas voir Booba et tu lui dis, j'ai 50 000, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Non, mais gros, et quand il m'a dit... La réflexion, au début, j'ai rigolé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me dis? J'ai réfléchi un peu et je me suis dit, donc ça veut dire que si Booba, le gars qui est intouchable, c'est ça, un gars touchable, c'est combien, tu vois? Et il y a 8WIT. C'est un mec, les gars, allez écouter ça sur SoundCloud, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Franchement, c'est un tueur, il se fait voler son travail par les meilleurs, gros. Il se fait vraiment voler son travail par les meilleurs. Je lui envoie des messages, il s'en bat les couilles. Lui, il dit, gros, je fais, qui me vole? Mais il y a des gars qui bossent dur, hein, et on leur vole leur travail. J'entends des sons de rap, je suis en mode, mais je connais ça, ça vient d'où? ah ouais, en fait, c'est un petit gars, du coup, qui taffe dur, et on lui vole son travail, on fait des millions de vues avec ça. Après, il y a la gomme de plagiat, hein. Il y a eu la gomme de plagiat qui sont sortis là, dans le rap, dans tous les sens. C'est abusé, gros. Moi, ça, pour moi, c'est, on peut pas faire, on peut pas cautionner ça, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de la créativité. Il n'y a plus de créativité. Bah, il y en a encore, mais c'est pas ça qu'on met en avant. Bah, disons qu'il y a beaucoup de mecs qui taffent dans l'ombre pour des mecs qui vont être en lumière, alors qu'ils ont rien fait dans le truc, en fait. C'est un peu ça, tu vois, c'est comme il disait tout à l'heure, t'as des groupes à l'heure qu'il est, ils ont 50 personnes autour d'eux pour réfléchir à un clip. Il y a des mecs sans leur ingénieur du son, ils seraient rien du tout, frère, en fait. Tu vois, et en fait, pour en revenir au site de rap ou trucs comme ça, tu peux prendre le rap à l'heure qu'il est aujourd'hui. Ça s'est monétisé parce que ça fait de l'oseille. À l'époque, en 95, tu disais que tu faisais du rap, les gens rigolaient. Mmh. Ça faisait kiffer ni les meufs. Ça faisait pas kiffer ton daron parce que tu te mangeais des coups de genoux. Ça faisait kiffer personne, en fait, de faire du rap à l'époque. Tu vois, t'étais presque un paria, tu sais, un mec. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des textes toute la journée, il s'enferme même en été quand il fait 40 dans une. Bah, t'étais un branleur, quoi. T'étais un mec à côté de sa vie, t'étais un paria. Mais encore aujourd'hui, un peu, gros. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Ah, gros. Parce que moi, à une époque où quand je faisais du rap, c'était pas si longtemps que ça, on était rares, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, il y a plus de rappeurs que de mecs qu'on écoute, tu vois. Et aujourd'hui, un rap, tout le monde fait du rap. Tu peux croiser n'importe quoi. C'est facile en même temps, tu vois. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Tu vois aussi. Il y a ça aussi qui a fait que. Il n'y a pas le truc de rareté, de. Il sait faire des rimes. Parce que moi, tu vois, en 95, quand j'étais petit peu, je faisais du rap en 95, gros. J'avais 14-15 piges. J'avais 14-15 piges, frère. C'était pas à la mode du tout. Ton grand frère, il te cassait les couilles. Ton daron, il te cassait les couilles. Les gens autour de toi, frère, dans le Tchexon. Ouais, il y avait quelques boucs qui étaient étonnés parce que quand tu descendais avec une cassette, tu la foutais dans le poste. Tu réunissais plus de monde autour de toi que t'en aurais eu en concert. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les boucs étaient interloqués. C'est un truc de ouf. Mais c'était pas un buzz du tout par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs qui rappent pour les meufs. Tu vois, tu vois, c'est des trucs. Il y a des meufs qui rappent pour l'oseille. Tu vois, beaucoup pour l'oseille. Il y en a, ils rappent pour les petits. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as plus vraiment de mecs qui rappent soit pour représenter une situation. Ça veut dire, nous, on rappait des trucs, mais on glorifiait pas la chose. Tu vois ce que je veux dire? On était plus dans le constat, par exemple. Tu vois? Yes. Et voilà, le rap aujourd'hui, c'est devenu un business, en fait. Et que ça soit. Que ça soit les sites, comme on disait tout à l'heure, ou que ça soit n'importe quoi. C'est de la monnaie. Le mot un peu, tu sais, que j'entendais là, c'est intemporel, gros. Je trouve que c'est un manque de son intemporel. Tu sais, genre, quand tu parles des années 90, tout ça, Fab, le Saiyan, Sniper, ils ont fait des sons. Tu peux les écouter aujourd'hui, gros, ça déglingue. Sauf que c'était pas la même époque, il n'y avait pas la même thune derrière. Je pense pas qu'on va écouter Kobalade dans 5 ans. Non, ben oui, mais ça, c'est poubelle, tu vois ce que je veux dire? Mais. Tu dis le rap est devenu un business, c'est pas le rap, c'est la société qui est sortie comme ça. Bah frère, je trouve la société. Dans le foot, on a le même problème. Mais frère, moment qu'on a laissé entrer des instances qui n'avaient rien à foutre là-dedans, on s'est niqué. Les gars, je suis responsable, comme il y a plein d'autres gens qui sont responsables, frérot. Je suis autant responsable que plein d'autres gens parce qu'on a laissé des gens qui n'avaient rien à faire là-dedans prendre les rênes de ce bordel. Exactement. Et laisser. Ils ont fait du commerce. Dans le rap, ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'ils ne vont pas signer des mecs comme nous. Parce que des mecs comme nous, il manque un centime sur le chèque à la fin du mois, on vient casser le studio. comme Ice Cube dans NWA, frère. On vient avec une batte, on pète tous les disques d'or. Et ils veulent pas de mecs comme nous. Ils préfèrent signer. Et même les mecs qui jouent les plus thugs, les mecs qui sont thugs, ils ont signé des gros contrats, frère. Les mecs qui jouent les thugs aujourd'hui, frère, voilà. Tu trucs, mais t'es gentil, frère. Parce que si ton label, il te dit de faire un son comme ça, tu feras le son comme ça. T'es en label, t'es pas dans un truc. Donc. Ouais, t'as une ambiance de monétisation avant tout. Business, business, business. C'est ça. Regarde la preuve. Un album hier, ça durait quoi? Tu recevais un album, frère, pendant un an au moins. Tu le saignais de ouf pendant au moins un an. Aujourd'hui, une semaine. Tu sors un clip, en un mois, il était absorbé. Tu sors un album en trois mois, frère. Il est au fond des toilettes, il a déjà fait caca après l'avoir mangé. Non, mais c'est vrai. C'est gentil, 3 mois. Hein. Dans 3 mois encore, je suis dans un bon album, tu vois, je suis dans un album qui prend bien la tête. Ou le mec, il est chercher des mots. Ou le mec, il doit écouter 3-4 fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais je crois que tu parlais d'un album qui sort comme ça, tu vois. Tu vois, comme quoi c'est devenu de la monétisation et du business parce que tu le vois par l'effet justement de consommation. comment ils avalent ça, frère. Oui, mais gros. Non. Et c'est là où Junès. Eh ben non, parce que gros, ils ont fait comment aux États-Unis, mec. Ils ont été plus intelligents que nous. Là où il y a eu du beef, on l'a donné aux artistes, gros. Et tu vois, nous, comment Jay-Z, il est milliardaire, gros. Tu vois, il y a un moment. C'est pas le rap. Hein. Bah, je sais, mais il a commencé rappeur, gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, Kanye West, il est fou. Mais il a commencé rappeur, il a commencé beatmaker, tout ça, à kicker. Plus trop de sous, par contre, Kanye West. Mais ça ne regarde pas. Non mais en fait, moi, c'est là où je te rejoins un peu, mais c'est parce qu'en France, on est un peu teubé, gros. Il y a de l'argent. Mais eux, ils croient en la théorie du ruissellement et à la fin, les artistes, ils ont rien, gros. Jules, je valide pas, mais lui, il a été bénévole pendant 3 ans, gros. Quand on m'a expliqué comment il avait fait, tout ça, tu sais, quand je suis allé à Paris, qu'on m'a expliqué les combines, tout ça, puis qu'on m'a dit, Jules, c'est pour ça qu'il arrivait en scout, toujours habillé pareil et tout, il s'est fait arnaquer. Et moi, je me suis dit, putain, même un gars comme ça, il s'est fait arnaquer. C'est quoi le détail? Ouais, vas-y. Tu veux savoir? Ouais, tu sais pas? Ouais, non. Ben, regarde ses clips, ses 3 premières années, il sortait un projet tous les 6 mois parce que la situation n'avait pas changé, il touchait rien. Il a signé des contrats comme beaucoup de gars qui n'ont pas des thunes. Et on lui a dit, t'inquiète, on t'avance l'argent, sauf que les gars qui avancent l'argent, c'est pas des gentils, tu vois. Et puis Benjou, lui, il a taffé dur pendant 3 ans, tu vois, gros, il avait faim. Il avait toujours les mêmes joggings, toujours même appart, toujours même. Et gros, il a taffé dur. Mais... Ouais, mais il s'est enrichi quand même un peu. Mais après, il a pas bougé aujourd'hui. Aujourd'hui, il a des 3 ans. Va voir sur sa chaîne YouTube. Écoute ce que je te dis, au bout de 3 ans. Parce qu'en fait, c'est avec gros, son ancien label. Il y a eu des trucs avec son ancien label. D'où il est parti. Mais je veux dire, même aujourd'hui, Jules, c'est un mec même avec la réussite. Puis l'argent qu'il touche, il mange mieux. Tu vas le voir toujours en scooter. Oui. Toujours en scooter. Non, mais ça, je dis pas. Moi, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Moi, franchement, j'ai toujours dit. J'écoute pas ce qu'il fait, mais je respecte le gars parce qu'il se déplace toujours pour des enfants malades et il le dit pas. Tu le vois toujours à droite, à gauche. Il le dit pas, c'est toujours les gens qui le filment. Les bougamois à Marseille qui peuvent le voir ou le croiser, tout ça, ils diront toujours c'est un mec simple. Il est simple. Ah ouais, il se prend pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je respecte le gourou. Je préfère aussi, des mecs comme ça à la rigueur qui percent. Ouais. Tu vois, plutôt que. Regarde, Jules, par exemple, il perce. Tu l'entends jamais en. Il est jamais en. Il est jamais en clash. Il est jamais en clash. Il n'y a aucun jamais rappeur qui dit ouais, Jules si, Jules ça, nana, le truc. Tu vois, alors que les autres, ils. En fait, ils perdent leur temps à se battre pour un trône qui sent le caca, en fait, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est ça qui est dommage dans le rap d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de message. Tu vois? Et même pour en revenir, ben voilà aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des sites qui laissent des petits espaces quand même talent, tu vois? Pour un peu rétablir cet équilibre un petit peu. Et puis, pas avoir que des mecs qui rincent pour être en avant. Alors que bon, t'écoutes le truc du mec, t'as envie de signer des. T'as envie de signer du. Rizzo, ouais, je suis désolé. Vas-y. Donc, pour conclure, chacun le mot de la fin. Chacun le mot de la fin, je t'en prie, mon ref. Pas de soucis. Ouais, ben le mot de la fin, gros, pour conclure, Prince Wally. Ah, Turi, c'est un frère à moi en plus, je le connais très très bien. Ben gros, tu le vois. Big Buddha Cheese. Mais non, mais gros, ouais, Prince Wally. C'est Montreuil, c'est un frère à moi. D'ailleurs, gros big up, Big Buddha Cheese, l'usine, mes frères de l'usine aussi, gros big up. Tu vois, parce que lui, c'est un mec. Wally, il était dans son monde encore. Wally, il était dans il a son truc à lui. Oui, vraiment. Mais lui, il bosse, gros. Il fait du old school en 2019, bien fait. Ah, puis ça marche. Les clips, tout ça. Même sur de la trappe, il allume le bordel. C'est ça, mais il nous contredit, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, le business a changé. Lui, il a pas fait dur. Prince Wally, allez écouter, vous prenez la claque. Gros big up à lui d'ailleurs. Toi, Jones, le mot de la fin, mon ref. Ouais, moi, j'ai un mot de la fin. Je reviens sur les sites. Tiens, toi, Chao. Ça fait. C'est quelques. Ouh, ça va? Ouh, ouais. C'est quand la dernière fois que t'as découvert un book sur un site de rap? Non, moi je vais plus sur les sites de rap. Voilà, un. Non, en vrai, moi je vais plus sur les sites de rap. Sur les sites de rap? Ouais. Je vais pas là-bas. Ouais. Voilà. Moi, il y avait Rap Impulsif à l'époque de mon frère Adam. Yes. De mon frère Adam qui a fermé. Donc, gros big up à lui d'ailleurs. Parce que toujours une pensée pour mon frère Adam. Il avait Rap Impulsif à l'époque et c'était un mec d'ici. Voilà. Faut le noter. En assos avec des mecs d'ailleurs, un de Paris, un de Mulhouse. Mais c'est quand même un mec d'ici. Il a référencé quand même la plupart des gros rappeurs en France à l'époque. Mais tout ça pour dire que ils peuvent faire payer ce qu'ils veulent. C'est plus là-bas que ça se passe. Disons que c'est soit professionnel, soit. Moi, ce qui me dérange, c'est pas faire payer, c'est la professionnalité, en fait, si tu veux. C'est si tu prétends faire payer quelque chose,